Donc, maintenant, il y a une forme dont nous allons avoir besoin. C'est celle du « nous ». Nous qui se dit « nosotros » ou « nosotras » s'il ne désigne que des femmes. À la première personne du pluriel, donc avec « nous », la terminaison est « mos ». Mos. Il vous suffit de prendre le verbe à l'infinitif, de lui enlever le « r » final et d'ajouter à sa place « mos ». C'est tout ce qu'il y a à faire pour avoir la forme du « nous ». Alors, « nous parlons », c'est « hablamos ». Non, vous partez du verbe à l'infinitif. Comment dit-on parler ?« Hablar ». Non, « parler ». Parler. Oui. « Hablar ». Non, pour un infinitif, comme on a toujours un « r » à la fin, que ce soit un verbe « an ar », « r » ou « ir », comme il y a un « r » final, on accentue la dernière syllabe. Ah, oui. Alors, « parler », c'est « hablar ». C'est ça. « Hablar », comme pour tous les infinitifs. On accentue la dernière syllabe. « Hablar ». Alors, « je veux parler avec toi ». « Quiero hablar con... » Avec toi se dit « contigo ». On l'avait vu en même temps que « conmigo », avec moi. Ce sont les deux exceptions. Donc, c'est « contigo », en un seul mot. « Contigo ». Oui, c'est ça. « Contigo ». Quiero hablar contigo. Donc, parler, c'est « hablar ». Manger, c'est « comer ». Comer. Sortir. Salir. Salir. Donc, à chaque fois que vous voulez employer le « nous », vous partez de l'infinitif. Comme par exemple, si vous voulez dire « nous parlons », vous partez de « parler », qui se dit « hablar ».« Hablar ». Maintenant, supprimez le « r » et ça donne « habla ». Au lieu d'hablar, vous avez « habla », sans le « r ». Et ajoutez-y le « mos ». Et qu'est-ce que vous obtenez ?« Hablamos ». Bien, « hablamos ».« Hablamos ». Ça, ça veut dire « nous parlons ». Et c'est ce que vous ferez avec tous les verbes. Quand vous voudrez employer la forme du « nous », prenez l'infinitif, enlevez le « r » final, ajoutez « mos » et voilà. Comment dit-on manger ? Comer. Comer. Et donc, nous mangeons, ça sera ? Comemos. Encore une fois. Comemos. Oui, mais prononcez d'une traite. Comemos. Comemos. Comemos. Ça, c'est nous mangeons. Et nous sortons ? Salimos. Salimos. Nous venons ? Venimos. Venimos. Nous vendons. Vendemos. D'accord. Vendemos. Et écrire, c'est. Écrivir. Écribir. Pensez au scribe. Oui. Escribir. Escribir. Escribir. Oui. Et nous écrivons. Escribimos. Escribimos. Et avoir, mais dans le sens de posséder. Tener. Tener, oui. Et nous avons. Tenemos. Tenemos, d'accord. Faire. Hacer. Hacer. Nous le faisons. Hacemos. Nous le faisons. L'eau. Hacemos. Lo hacemos. Lo hacemos. Nous ne le faisons pas. No lo hacemos. Bien. No lo hacemos. Nous ne le faisons pas comme ça. No lo hacemos así. C'est ça. Très bien. No lo hacemos así. Et nous vous disons, vous vous adressez à usted. Comment dites-vous dire ? Decir. Donc, nous vous disons. Le decimos. D'accord, hein? Le decimos. Et encore une fois, nous parlons, c'est... Hablamos. Hablamos, hein? Tout à fait, avec la terminaison mos.